Dons et paiements par SMS. La nouvelle loi pour une République numérique vise à développer les opérations de paiement par facturation opérateur, notamment les paiements par SMS. Les opérateurs téléphoniques peuvent ainsi désormais proposer ce service pour des achats de faible valeur et pour les dons à des associations caritatives. Rappelons que dans la facturation opérateur, l'achat de contenus et services numériques est directement imputé sur la facture téléphonique ou Internet de l'abonné et reversé ensuite à l'éditeur du contenu par l'opérateur qui se rémunère par une commission. Il faut signaler que la loi instaure des plafonds pour limiter son champ d'application aux opérations de faible valeur et protéger les consommateurs. La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut pas excéder 50 euros et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut pas excéder 300 euros.